Au sommaire de Ça et du Belge numéro 24, le bilan de l'année 2018. Au menu de cette première partie, 8 films sortis dans les salles belges entre janvier et juin. On commence par janvier avec Laisser bronzer les cadavres de Bruno Forzani et Hélène Cattet. Mettre sa mise en scène en avant peut être bien quand c'est fait avec intelligence et au service d'une histoire. Mais lorsque la subtilité est aux abonnés absents et que l'histoire est complètement écrasée, cela devient insupportable. Laisser bronzer les cadavres fait partie de la catégorie insupportable. Toujours en janvier, Pas de sœur de Adil El Arbi et Bilal Fallah. Tout comme leur précédent film Black, je n'ai pas aimé le troisième long métrage du duo. J'ai eu la sensation d'être constamment dans une discothèque et franchement, ça fait désordre. Il y a également le fait que l'on veut faire comme les Américains en appuyant tellement sur cette référence que cela en dénature l'hommage. On sait bien que le duo a envie d'Amérique, mais là, c'est trop. En février, on retrouve Bye Bye Germany de Sam Garbarski. Une belle réflexion sur le mensonge et la vérité, aussi sur les apparences. C'est un long métrage de facture classique, mais avec beaucoup d'humanité, d'humour et de sensibilité. Mars, c'est le mois de Bitter Flowers. C'est le premier long métrage d'Olivier Meys. Il s'intéresse au problème de la prostitution chinoise à Paris, les fameuses marcheuses. Ces femmes venues du nord de la Chine avec beaucoup d'espoir et devant se résigner à arpenter le bitume de la capitale française. Bitter Flowers nous offre de belles scènes de camaraderie et de complicité. La fin apporte une belle touche d'espoir. Carnivore en avril, c'est le premier film des frères Renier, Yannick et Jérémy. Ce dernier étant le plus connu pour plusieurs rôles dans les films des frères Dardenne. C'est un thriller psychologique avec deux sœurs se battant pour s'accomplir en tant qu'actrices. Toute ressemblance avec les réalisateurs n'est évidemment pas fortuite. Le développement de Carnivore obéit à une logique attendue et c'est le principal défaut du film. On a toujours un temps d'avance. En mai, fais ce qu'il te plaît, dit le dicton. C'est ce qu'a fait François Damiens avec Monquette. Il fait le choix de mélanger fiction comique et caméra cachée. C'est loupé, je n'ai pas trouvé ça drôle du tout. Rien ne prend malgré les nombreux efforts de François Damiens pour arracher un sourire. Le principe de la caméra cachée ne tient pas la route sur la durée, 89 minutes. En fait, c'est une comédie à sketch. Cela manque totalement de liant et n'a ni queue ni tête. Le pire étant la partie finale. Monquette, ce n'est pas du cinéma, c'est de la télé. Juin, c'est Troisième Noce de David Lambert, sa première comédie. Il y a un évident manque de rythme, annulant les quelques instants de drôlerie. Les idées sont bonnes, mais une pure comédie aurait été plus adéquate plutôt qu'un film assis le cul entre des chaises, ne parvenant pas à imposer son style. Disons que l'effort est louable et permet à David Lambert de mieux se faire connaître du grand public. Juin, c'est également Méprise de Bernard de Clercq. Le début de son premier long métrage est intéressant, mais après une vingtaine de minutes, on a déjà la solution. Là, un peu surpris, on regarde sa montre, on s'aperçoit qu'il reste encore 1h10. Le réalisateur a voulu construire son long métrage en 3 points de vue, sauf qu'il n'y a aucun point de vue et que du coup, le spectateur est perdu. Il erre dans le reste du long métrage comme une âme en peine. À dans 2 semaines pour la deuxième partie.